Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 25 janvier 2018. Voici les grands titres de cette édition. Plus de 1400 réfugiés congolais et burundais fuyant des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants Maïmaï affluent depuis hier à Nyanza-Lac et au port commercial de Rumonge. Le gouverneur de cette province en appelle à une aide humanitaire urgente pour ces femmes et enfants en majorité qui manquent presque de tout. Et nous sommes à deux jours du triste cinquième anniversaire de l'incendie ayant ravagé le grand marché central de Bujumbura. Depuis le 27 janvier 2013, en effet, ce qui reste de cette infrastructure jadis poumon de l'économie nationale offre un spectacle désolant de saleté autour de lui et des arbustes qui commencent à y pousser par endroits. Reportage à suivre dans ce journal. Et le secteur minier pourrait booster l'économie burundaise s'il était caractérisé par la transparence. Le président de l'organisation Parsem trouve que pour plus de traçabilité, les gestionnaires devraient rendre publics les contrats signés par l'État et les sociétés d'exploitation des gisements miniers au Burundi. Et en actualité internationale, le président américain Donald Trump va rencontrer son homologue rwandais Paul Kagame au Forum économique de Davos prévu ce vendredi. Kagame sera le seul chef d'État africain que Trump souhaite rencontrer, selon un agenda rendu public par son conseiller à la sécurité nationale. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Le secteur minier au Burundi doit être transparent pour créer une véritable valeur ajoutée. Faustin Dikoumana, président de l'organisation Parole et Action pour le changement des mentalités et Parsem, propose entre autres la publication des contrats d'exploitation ainsi que le financement d'autres secteurs porteurs de croissance à partir d'un fonds de ressources naturelles. Dans une conférence de presse ce jeudi, le président de cette organisation Parsem en appelle à une bonne gouvernance dans le secteur minier. Nous demandons ceci comme préalable. D'abord la transparence. La transparence est centrée à bien identifier ces industries extractives, ces multinationales. Des fois, animées par un intérêt personnel, il faut les identifier. Quel est leur passé, expertise, expérience, notoriété, le processus de sélection pour éviter les choses qui ne sont pas dans l'opacité. Vraiment, les contrats en matière d'exploitation des ressources naturelles sont des contrats qui exigent vraiment une connaissance profonde. Ces multinationales sont bien outillées. Il faut aider nos pays à ne pas signer des contrats déséquilibrés pour leur stabilité. Troisième, publier ce que vous payez. Les multinationales ou les entreprises extractives doivent publier ce qu'elles payent par rapport à cette exploitation. Et le gouvernement aussi s'engage à publier ce qu'il a reçu. Aussi, quand il y a la transparence et l'adhésion à l'ITIE, initiative de transparence des industries extractives. Selon toujours le président de l'organisation Parsem, il faut une bonne gestion des revenus du secteur minier et penser à la protection de l'environnement. Suivez-le encore une fois. Deux, c'est la bonne gestion des revenus du secteur. D'abord, les institutions habilitées doivent jouer leur rôle. Il y a l'agence de régulation qui doit donner un sens technique, qui doit jouer le rôle d'interface entre l'autorité politique et ces multinationales. Il faut qu'il y ait une synergie d'action entre, par exemple, le ministère d'énergie, des finances, l'OBE, la banque centrale ABRB, le ministère de l'environnement, pour avoir une synergie vraiment de contrôle, pour qu'il y ait une traçabilité réelle des devises qui proviennent de ces extractions. Il y a aussi la création des fonds souverains pour bien identifier la contribution de ce secteur dans le développement économique. Aussi, orienter ces fonds dans des secteurs porteurs de croissance pour que ça ne désarticule pas la structure macroéconomique telle qu'elle était. Le contrôle aussi des transactions illicites. Troisièmement, c'est les droits des communautés et la protection de l'environnement. Les droits des communautés, ça veut dire les communautés locales de la région, de la circonscription, d'exploitation de ces mines. S'il y a indemnisation, ils ont droit à l'indemnisation. Ils ont droit même de tirer profit sur certains aspects de développement local. On l'a vu ça. Une étude d'impact environnemental doit être présente, validée par le ministère de l'Environnement. Parce que des fois, on a vu dans plusieurs pays que les industries extractives viennent, exploitent les minéraux, ils en mangent les terres. Faustin Ndikumana, c'est le président de l'organisation PARSEM, dont les propos ont été recueillis par Mireille Kanyang. Je vous l'avais dit en titre, l'ancien marché central de Bujumbura n'existe que de nom depuis bientôt 5 ans, après l'incendie qu'il a ravagé le 27 janvier 2013. Tout ce que l'on peut observer à cet endroit aujourd'hui, ce sont des déchets de toutes sortes, au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest de cet espace qui, dans le temps, était considéré comme le grenier du pays. Et personne ne sait jusqu'ici le sort qui est réservé à ce patrimoine du Burundi. Florence Ndahira Guigé s'est rendue sur les lieux. Voici son reportage. Des sachets, des cartons, des restes de nourriture, de petites tables, des herbes et bien d'autres déchets constituent l'ensemble d'immondices se trouvant à la place communément appelée le grenier du Burundi, près de l'ancien marché central de Bujumbura. Tous ces déchets dégagent une odeur nauséabonde. De part et d'autre de cet endroit se trouvent des gens qui exercent différentes activités, y compris le commerce. Étant du côté des bus allant au sud de la capitale, on voit les restes de toitures de l'ancien marché central. Des immondices s'observent également à travers les murs de ce dernier. Devant la place communément appelée Plaza, on observe des herbes, mais aussi des arbres sous lesquels certaines personnes peuvent se reposer sous l'ombre. Cela va faire bientôt 5 ans qu'un incendie a ravagé l'ancien marché central de Bujumbura. C'était le 27 janvier 2013. Différentes autorités du pays ont déclaré qu'il y a un projet de le réhabiliter. Il y en a même qui disaient qu'on compte ériger à cet endroit un mall plus costaud que l'ancien, mais en vain. Florence Ndahira Guigé, il est 13h03 à Bujumbura. Captez Isanganilo, écoutez la différence. La bonne production caféicole de cette campagne en Provence Ngozi risque d'être touchée par deux maladies, dont l'anthracnose, qui ont atteint cette culture. La Fédération des caféiculteurs de la Provence Ngozi dit être inquiétée par le manque de produits phytosanitaires dans les stocks de cette province et demande par conséquent au gouvernement, par le biais du nouveau projet de revalorisation de la filière café, de trouver une solution à ce problème. Apollinaire Muzagara. Les maladies qui menacent les plantations de caféiers sont l'anthracnose et la cochenille. Cette première maladie attaque surtout les graines de café, pourrissent et finissent par tomber. La seconde fait que tout ce qui se trouve sur le caféier prenne la couleur noire. Comme l'indique le conseiller technique au sein de la Fédération des caféiculteurs de Ngozi, les maladies menacent plus les communes de Mumba et Tangar, ce qui risque, selon l'ingénieur Rambe Nunzumwe, d'affecter la production de café de cette campagne qui s'annonce une production qui pourtant était bonne en province Ngozi. Le président de cette Fédération des caféiculteurs de Ngozi, François Nambila Kage, parle d'une situation inquiétante car la province Ngozi ne dispose pas de médicaments pour faire face à ces malades. Le président de cette fédération et son conseiller technique demandent par conséquent au gouvernement de chercher ces médicaments par le biais du nouveau programme de revalorisation de la filière café, un programme exécuté conjointement avec la Banque mondiale. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganis. Merci Apollinaire, je vous l'avais dit, plus de 1400 réfugiés congolais et burundais qui disent fuir des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants Maïmaï ont été accueillis au port commercial de Rumonge ce jeudi matin. Il y en a d'autres qui sont à Nyanzalak. Le gouverneur de Rumonge, Juvenal Wigirimana, demande à tout homme charitable capable de venir en aide à ces réfugiés, constitués surtout des femmes et d'enfants, qui continue d'affluer vers le Burundi via Nyanzalak et Rumonge depuis l'après-midi de ce mercredi. Et puis, les bouteilles en plastique utilisées dans la commercialisation des eaux minérales et les limonades servent également pour vendre l'huile de palme et de coton après leur premier usage. Les commerçants affirment qu'ils les nettoient avant de les réutiliser, ce qui n'est pas toujours vrai, en vrai danger pour la santé humaine. Dans l'entretemps, la société Kinjo, une des sociétés locales de transformation de l'eau minérale, affirme que ces bouteilles sont à usage unique. C'est un reportage de Gertrude Mawenayo. Nous sommes au marché de Chessio. Un commerçant est en train de remplir l'huile de palme dans plusieurs bouteilles en plastique de la société Kinju. Certaines de ces bouteilles semblent être en bon état, mais d'autres sont en mauvais état. Les commerçants qui les utilisent nous disent comment ils s'en procurent. Il y a les enfants qui nous les apportent. Et lorsqu'ils les apportent, Ainsi, nous trouvons que les bouteilles sont bien conservées. Nous les achetons. Aya machupa tuyasaba bajya bakora mu ma restaurant cyangwa ama bar. Ces bouteilles nous parviennent des employés des restaurants et des bistrots parce qu'ils vendent des Fanta et de l'eau minérale. On leur donne des commandes en avance pour qu'ils nous les apportent aussitôt qu'elles sont vidées. Nous achetons les grandes bouteilles à 100 francs, les petites d'Aquavie 4 pour 100 francs et celles de 15 50 francs chacune. Ils les lavent d'abord, mais nous aussi, quand on les trouve sales, on les lave avant de les utiliser. Des bouteilles en plastique qui nous servent de récipients, nous les achetons auprès des personnes qui les ramassent, surtout dans les bistrots. Et ce sont des bouteilles qui contenaient de l'eau potable, kinju sangue. Une bouteille en plastique s'achète suivant qu'elle soit grande ou petite. Une grande bouteille coûte 100 francs ou 150 francs, et les petites, 6 pour 100 francs ou 3 à 100 francs, compte tenu de leur qualité. Ces commerçants affirment qu'avant de conserver l'huile dans ces bouteilles, ils commencent par les nettoyer et examiner si ces bouteilles ne dégagent pas une mauvaise odeur. Nous constatons qu'il y a de bonnes odeurs, nous constatons qu'il faut les acheter. Mais s'il y a de mauvaises odeurs, nous les laissons. À combien vous achetez une bouteille? 100 francs. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres parce que nous avons constaté qu'il y a ceux qui les utilisent sans les nettoyer. Ces commerçants affirment qu'il y a même ceux qui utilisent ces bouteilles dans la vente du lait et de la bière locale. Au moment où les sociétés qui produisent les eaux minérales disent que ces bouteilles sont à usage unique, certains commerçants précisent qu'ils n'étaient pas au courant et d'autres disent qu'ils le savent, mais qu'ils ont constaté que ces bouteilles ne sont pas à jeter parce que bénéfique c'est l'eau 1. Que les bouteilles en plastique sont utilisées une seule fois, nous n'en savons pas grand-chose. Si elles sont à usage unique, nous ne voyons pas d'autres récipients. Nous entendons souvent qu'elles sont à usage unique. Pourtant, elles nous sont très utiles. Elles nous servent de récipients. Nous ne pouvons pas les jeter. Ces commerçants indiquent que s'il s'avérera nécessaire, ils sont prêts à rompre avec l'utilisation de ces bouteilles en plastique dans la conservation et la commercialisation de l'huile. Gertrude Mawenayo, on revient sur cet afflux de réfugiés congolais et burundais en provenance de la RDC qui ont regagné Rumonge et Nyanzala. Et nous retrouvons notre correspondant Jean-Pierre Misago que la rédaction vient de joindre tout de suite. Selon Asmani, un pêcheur burundais qui opérait en République démocratique du Congo et qui est parmi les réfugiés accueillis ce jeudi matin au port commercial de Rumonge, de violents combats entre forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants Maïmaï ont éclaté vers 23h de ce mardi dans la localité de Sebele. Ces combats se sont poursuivis même ce mercredi et Assoumani a décidé de fuir vers Rumonge avec sa famille à bord d'un bateau de pêche. D'autres Congolais et Burundais sont venus à bord des navires de transport et à 10h du matin de ce jeudi, la police avait déjà enregistré plus de 1400 réfugiés, Congolais et Burundais confondus, qui s'ajoute à 267 autres arrivés ce mercredi soir à Rumonge et 168 autres accueillis en commune Nyanzala que l'après-midi de ce même mercredi. Il s'agit là des effectifs provisoires car même ce jeudi matin, des navires de transport continuaient d'accoster au port commercial de Rumonge où les besoins en vivres, en abri, en soins de santé et en lieu d'aisance se faisait déjà sentir, surtout chez les enfants, les femmes enceintes et les vieux. Juvenal Bigirimana, le gouverneur de Rumonge, dit que l'administration à elle seule n'y peut rien et demande à toutes les organisations œuvrant dans ce secteur d'intervenir avant qu'il ne soit tard. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago pour ce reportage. Nos auditeurs voudront bien nous excuser pour ces petits problèmes de toilettage de cette de cet élément sonore, l'actualité internationale. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Le président américain Donald Trump va rencontrer son homologue rwandais Paul Kagame au Forum économique de Davos. Kagame sera le seul chef d'État africain que Trump souhaite rencontrer selon un agenda rendu public par son conseiller à la sécurité nationale. La rencontre prévue vendredi survient après la polémique suscitée par les propos qu'aurait tenus le président des États-Unis, qualifiant certains pays africains et Haïti de pays de merde. Cette rencontre avec Paul Kagame, qui est le président en exercice de l'Union africaine, va chercher à réaffirmer la relation entre les États-Unis et l'Afrique. L'Union africaine avait appelé Donald Trump à s'excuser après les propos jugés racistes et irresponsables. Et le correspondant de Radio France Internationale en langue Haoussa, Ahmed Abba, était ce mercredi 24 janvier dans les locaux de France 24 et RFI, l'occasion de fêter sa récente libération en présence de son comité de soutien. Et parmi les personnalités présentes, la secrétaire générale de la francophonie, Michael Jean, ou encore Christophe Deloire, de Reporters sans frontières. Ahmed Abba a recouvré la liberté en décembre dernier, après plus de 2 ans de détention pour avoir couvert la situation sécuritaire dans l'extrême nord du Cameroun, zone d'activité du groupe terroriste Boko Haram. Ahmed Abba a passé exactement 876 jours derrière les barreaux. Il avait été condamné à 10 ans de prison en première instance, avant d'être relaxé du principal chef d'accusation de blanchiment de terrorisme. La seule charge retenue contre lui est celle de non-dénonciation, une accusation dont Ahmed Abba ne rugit pas, fier d'avoir su protéger ses sources, même sous la torture. Un courage déjà récompensé, alors qu'il se trouvait encore en prison. Ahmed Abba a reçu le prix de la liberté de la presse internationale par le comité de protection des journalistes. Il est 13h13 à Bujumbura. Vous êtes branchés sur Isanganiro, c'est ici que nous bouclons ce journal. Je vous en rappelle les grands titres avant de nous séparer. Plus de 1400 réfugiés congolais burundais fuyant des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants Mai Mai affluent depuis hier à Nyanzala, qui est au port commercial de Lomongue. Le gouverneur de cette province en appelle à une aide humanitaire urgente pour ces femmes et enfants à majorité qui manquent de presque de tout. Et nous sommes à 2 jours du triste 5e anniversaire de l'incendie ayant ravagé le grand marché central de Bujumbura. Depuis le 27 janvier 2013, en effet, ce qui reste de cette infrastructure jadis poumon de l'économie nationale offre un spectacle désolant de saletés autour de lui et des arbustes qui commencent à y pousser par endroits. C'est un reportage que vous avez pu suivre dans cette édition. Et le secteur minier pourrait booster ou relancer l'économie burundaise s'il était transparent. Le président de l'organisation Parsem trouve que pour plus de traçabilité, les gestionnaires devraient rendre publics les contrats signés par l'État et les sociétés d'extraction, d'exploitation, des gisements miniers. Et le président américain Donald Trump va rencontrer son homologue rwandais Paul Kagame au Forum économique de Davos, prévu ce vendredi. Kagame sera le seul chef d'État africain que Trump souhaite rencontrer, selon un agenda rendu public par son conseiller à la sécurité nationale. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Et c'est François Akimana qui se trouve de l'autre côté de la baie vitrée. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Un bon après-midi.